Devant qui regarde le miroir, c'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que je sais pas vraiment qui elle est, c'est qui la fille, qui la fille? Si tu la croises, dis-lui que je la cherche partout. Si tu la croises, dis-lui que je sais qu'elle tiendra le coup. Je crois que tu sais pas vraiment qui elle est, c'est qui la fille, qui la fille? Et pour tous les gens que j'ai déçus, pardon, je crois que je me suis un peu perdue. C'est peut-être le moment de donner plus de moi, plus de moi. C'est trop d'énergie, pourtant quand vient le soir, la fille s'effondre, a peur de rester seule dans le noir. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? Qui la fille? Mais la fille rit la journée, tout le monde dit qu'elle est chiante. Mais la fille rit, s'en fout, car elle sait qu'elle est vivante. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? C'est moi la fille. Et pour tous les gens que j'ai perdus, pardon, tout s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est le moment de donner plus de moi, plus de moi. Qu'est-ce que tu vois? Faut pas que je pense que c'était ma faute. Parfois j'ai oublié d'être moi. Ce que tu vois.